Jean-Christ Ndikomanyanga. Nous sommes le 10 janvier 2023. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro sur journal. Donc, voici d'abord les titres. Les propriétaires des parcelles se trouvant dans le quartier Kizingo-Bihara ont observé un sit-in ce mardi devant les bureaux du ministère en charge des infrastructures et demandent à ce ministère d'afficher dans les meilleurs délais les numéros de leurs parcelles. Cela étant, le ministère concerné tranquillise et rassure les propriétaires des parcelles à Kizingo-Bihara, en commune urbaine de Muha, que ces parcelles vont leur être remises officiellement dans un délai ne dépassant pas un mois. Et la chronique santé de ce mardi axe sur le phénomène des jumeaux siamois qui résulte de la séparation en deux de l'œuf qui ne s'est pas produit et complètement. Eric Wimana sur la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page économie. La banque de gestion et de financement BGF vient de lancer ce matin le service de transactions mobiles d'argent BGF mobile dans une conférence de presse tenue à cet effet. L'administrateur directeur général de cette banque, Jean-Marie Claire Gachubigé, a indiqué que ce moyen vient contribuer à la politique nationale d'inclusion financière. Suivez-le. Au regard des changements qui interviennent, que ce soit au niveau sanitaire et environnemental, les scientifiques essaient de s'adapter à tous ces changements. Il s'avère donc nécessaire qu'au niveau du fonctionnement du secteur bancaire, on puisse implémenter des solutions tendant à la digitalisation de la banque pour faciliter nos clients et nos partenaires, mais aussi pour rentabiliser les opérations bancaires. Il est donc nécessaire pour la BGF d'être à l'avant-garde et de penser à des solutions les plus innovantes, les plus fiables et adaptées à tous les segments de la clientèle. Raison pour laquelle on a un produit phare pour 2023 qui est le mobile banking avec deux options. Une option utilisable par application et une option utilisable par un numéro court pour atteindre tous les segments de la clientèle, que ce soit dans les villes ou dans les ports les plus reculés du pays. Je vous ai dit que nous disposons de l'Internet Banking qui est déjà fonctionnaire sur certains sous-modules, notamment la consultation de l'historique, la demande de chéquier, les virements, et bientôt nous sommes en train de travailler pour nous assurer que la sécurité est garantie pour éviter les fraudes et d'autres transactions malveillantes, et nos partenaires pourront nous adresser les demandes et les traiter en ligne et pouvoir vous accompagner sans devoir venir physiquement à la banque. Et dans la page société, les propriétaires des parcelles se trouvant dans le quartier Kizingo-Bihara, nous sommes dans la commune urbaine de Muha, demande au ministère ayant l'infrastructure dans ses attributions d'afficher dans les meilleurs délais leurs parcelles. Ils ont exprimé cela ce mardi après le sit-in qu'ils ont observé devant le bureau de ce ministère. Alexandre Habonimana, le représentant de ces propriétaires, indique que leur problème date de depuis 10 ans. Toutefois, il dénonce le comportement de certaines autorités qui ne parviennent pas à honorer leurs promesses. Suivez-le. Le problème, c'est le problème de ne pas avoir nos parcelles après avoir donner les 47% au gouvernement de la terre pour qu'il puisse faire le traçage des routes et une viabilisation. Et il y a 10 ans, le travail est fini, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu nos parcelles. Et si vous demandez les autorités, quelle est la réponse? La réponse, ils disent qu'ils vont donner des parcelles, mais ce sont des réponses apparemment qui sont politiques. Parce qu'il y a plus de 10 ans, et en septembre 2021, le ministre Delors affirmait qu'en novembre 2021, tout propriétaire aura déjà sa parcelle. Mais maintenant, nous sommes en 2023. Nous avons attendu, mais en vain. Même l'actuel ministre, il a dit deux semaines et un mois, mais rien ne garantit que ça sera fait. Nous voulons un affichage, un calendrier d'affichage et qui précise le jour d'affichage, le jour des réclamations et le jour d'attribution des parcelles. Et qu'est-ce que vous demanderez? Et ce que nous demanderons, c'est de nous rétablir dans nos droits, parce que nous avons été dépourvus de nos droits. Imaginez 10 ans sans toutefois exploiter la terre. Vous savez que la terre, pour notre pays, pour en Burundi, c'est quelque chose de très précieux. Nous dépendons surtout de notre terre. Les propos du représentant des acquéreurs de parcelles en commune urbaine de Muha, dans le quartier Kizingo-Bihara, Alexandre Habonimana, ont été recueillis par mon confrère Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Le ministère des Infrastructures rassure les propriétaires de ces parcelles à Kizingo-Bihara, en commune de Muha, qui attendent de construire depuis 10 ans. Que ces parcelles vont leur être remises officiellement dans un délai ne dépassant pas un mois. Réponse donnée par le ministre en charge des infrastructures ce lundi lors d'une réunion avec les administratifs. Et le ministre Dieudonné Dukundane ajoute que la question des parcelles expropriées par le gouvernement et qui n'ont pas été indemnisées au quartier Kigeri en mairie de Bujumbura va être étudiée. Les détails avec Armel Moutori. Lors de cette réunion du ministère en charge des infrastructures et des logements sociaux avec les administratifs en mairie de Bujumbura le soir de ce lundi, l'un des propriétaires de parcelles dans les périmètres de Kizingo-Bihara, c'est en commune Muha, a demandé au ministre de leur donner un délai précis pour la distribution officielle des parcelles, d'autant plus qu'ils ont reçu la promesse de sa part. Nous, propriétaires de parcelles, voudrions savoir. Ça fait plus de 10 ans que nous attendons l'attribution officielle de nos parcelles. Ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez déjà démontré la bonne volonté de travailler pour le bien du pays. Mais je voudrais vous demander une chose. Vous nous avez promis que la question va être réglée d'ici peu. Donnez-nous la date exacte. Le ministre a rassuré que la liste des propriétaires de parcelles va être établie et qu'elle va être affichée dans un délai ne dépassant pas un mois. L'autre participant à la réunion, qui représentait plus de 800 ménages et qui affirme qu'ils ont été expropriés illégalement de leur parcelle sise à Kigeri au quartier industriel en mairie de Bujumbura, a demandé au ministre que ces familles soient remises dans leurs droits, d'autant plus qu'ils avaient eu gain de cause au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB. Je représente 800 familles composées de plus de 5000 personnes venant du quartier industriel à Kigeri. Nous avons été expropriés de nos parcelles par le ministère de l'Environnement. Et c'est la société Helicom qui a fait la viabilisation de ce périmètre à notre insu. Nous ne savions pas si ces parcelles allaient servir ou non à la construction d'écoles, de structures de soins ou autres travaux d'intérêt commun. Je ne sais même pas si les élus du peuple sont au courant. Nous avons été dépossédés. Nos champs ont été détruits alors que le différend était déjà porté au niveau de la CNTB où nous avions eu par après gain de cause. 55% des parcelles nous sont revenus et l'État a eu les 45% restants. Le manque à gagner concernant les cultures qui ont été perdues a été enregistré au niveau de la CNTB et au niveau de la Direction générale de l'urbanisme. Le maire de la ville de l'époque a joué le rôle de médiateur dans ce conflit. Le ministre lui a demandé les documents attestant ses dires pour pouvoir statuer, chose qu'il a fait sur le champ. Je suis ici avec le commissaire en charge de l'urbanisme. Monsieur Omer, prends ses copies, qu'il te donne son numéro de téléphone pour les réclamations. L'affaire est close. Dans le but d'aménager d'une autre façon la ville de Bujumbura, le ministre a annoncé que la viabilisation et l'attribution de nouveaux parcelles sont désormais suspendues en mairie de Bujumbura et que de nouveaux logements en étage seront bientôt construits pour accueillir plus de monde et que ce programme va débuter au quartier Sokarti, en zone Kamenge, au nord de la ville de Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons agriculture à présent. Les agriculteurs de la commune Rougombo en province de Chibitoke se disaient déçus des récoltes obtenues l'année dernière. Ils se sont heurtés notamment au manque de fertilisants et de pluie. L'année 2022 était pourtant dédiée à l'agriculture par le gouvernement. Suivez-les dans cette traduction en français par Léonce Vitalio. Kubivuga yuko wahari umwaka w'uburimyi ni ku majambo sinoka kubivuga uko kuko dire que l'année a été dédiée à l'agriculture, c'est peut-être dans les mots. Je le dirai ainsi parce que même les fertilisants ne viennent pas à temps. Et si l'agriculteur cultive sans engrais, c'est un problème. Dans notre commune de Rougombo, nous cultivons à l'aide d'irrigation de Nyamagana. Et voilà que l'eau de Nyamagana a été fermée, laissant la porte à la famine. Nous avons faim, nous sommes pauvres, c'est très grave. Seulement, Dieu nous a donné de la pluie en octobre-novembre. Le maïs est prometteur, mais là aussi, le haricot a pourri à cause de cette pluie. C'est la première fois que de ma vie que je vois un kilo de riz qui coûte 3000 francs et plus. C'est comme ça que les cultivateurs travaillent perdants. Ils cultivent avec des programmes précis, mais se heurtent à ce manque de fertilisants et de la pluie. Ce qui devrait être fait, que l'on ne ferme plus les eaux. Deuxièmement, que l'on ait des fertilisants et à temps. Et enfin, que les agriculteurs soient libres et que les prix des fertilisants soient raisonnables. Il faut aussi nous donner des semences sélectionnées. Le BPAE, par exemple, devrait mettre en application ce qu'il dit. Que ce que l'on dit soit mis en application, c'est cela que nous demandons. Jukuri nka BPI uraba uko itegezwa kubyitwararika ibyo bavuga ntibiye mu majambo ahubwo bibe. Nous n'avons pas encore eu la réaction du directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage en province Chibitoke. Poursuivons ce journal par la page Société, toujours dans la province Chibitoke. Les administrateurs des communes de cette province demandent aux sociétés de téléphonie mobile de régulariser les impôts liés à l'installation des antennes dans leurs entités. C'est au moment où ils indiquent que depuis 2016, ces sociétés n'ont pas encore payé des impôts. Les détails avec Alexis Ndairagich. Depuis 2016, les sociétés de téléphonie mobile n'ont pas encore versé les impôts sur l'installation des antennes sur les comptes de toutes les communes de la province de Chibitoke. Ceci a été adressé au ministre ayant la communication dans ses attributions son lundi en province de Chibitoke. L'administrateur de la commune de Mabaye indique que chaque société de téléphonie mobile devrait payer 1 200 000 francs pour chaque année sur chaque antenne installée dans chaque circonscription. Cette autorité affirme qu'aucune de ces sociétés n'a encore versé ses impôts tout en demandant de régulariser ses arriérés. Concernant la société Smart qui a fermé ses portes, l'administrateur de la commune Mogui a demandé que le bien restant dans la commune soit saisi. La ministre Okadine Dacha Isaba a demandé à ses administrateurs de faire l'inventaire de ses arriérés et que le rapport soit adressé au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire afin que cette situation soit adressée à ces sociétés dans le but de trouver solution à cette situation. En ce qui concerne la demande de l'administrateur de Mugui de saisir des biens de la société Smart, la ministre Ndacha Isaba a indiqué qu'elle n'a pas cette prérogative, tout en indiquant que cette société peut reprendre ses activités lorsqu'elle aura répondu à la demande du pays. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci à Alexis Ndairagije de Chibitoke. Rendons-nous au sud du pays, où il y a grogne de certains des commerçants des friperies du marché de Nyaburumba de la commune et province Makamba qui disent travailler à perte suite au manque de clientèle. C'est après une année, ces commerçants transférés à ce marché en provenance du marché principal de Makamba. Ils disent qu'une friperie qui se vendait dans une seule semaine au marché principal, souvent actuellement entre au moins un mois, et demande que tout le commerce des friperies soit opéré dans un lieu unique, accessible aux clients. Les détails avec Élisée Quitter. Ces commerçants qui grognent du manque de la clientèle viennent de remplir toute une année exerçant leur commerce au marché de Nyaburumba en provenance du marché principal en vue de le redynamiser. Rencontrés à Milieu du Travail, ils nous ont révélé qu'ils ne gagnent rien. Ils indiquent qu'une friperie peut se vendre actuellement dans l'intervalle de 1 mois, voire 2, du moment où elle pouvait se vendre dans une seule semaine au marché principal. Ils déplorent qu'ils ont été divisés en deux blocs car il y a encore des commerçants de ces vêtements d'occasion au marché principal de Makamba, ce qui constitue un obstacle pour la clientèle de ce marché qui ne dispose même pas à maintenant le parking. Ces commerçants demandent que le commerce de ces vêtements d'occasion soit opéré dans un même marché accessible aux clients comme il était le cas auparavant. Selon l'administrateur de la commune Makamba, Zuena Irakiza, ces réseaux ne sont pas fondés car ce qui les étend au marché principal les achète à ce marché de Nyaburumba. Pour ce qui serait retourné de Nyaburumba, ce travail incombe au commissaire du marché et certains y ont été récemment retournés. Il appelle à ses commerçants à l'amélioration de son marché. S'agissant d'autres marchandises, il dit qu'à partir de la semaine prochaine, on va procéder à la fermeture de son marché pour garantir sa sécurité et que par après, on va relancer un appel aux commerçants pour œuvrer à son marché qui se trouve à 1,5 km du marché principal de Makamba. Depuis Nyaburumba, en province de Makamba, Elise Kwizera pour la radio Isanganiro. L'avenir. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé, le phénomène des jumeaux siamois résulte de la séparation en deux de l'œuf qui ne s'est pas produit complètement, comme le souligne le gynécologue Gabriel Nahayo. Les détails dans cette chronique avec Ornella Mucho. Le terme de siamois désigne des jumeaux qui ne sont pas détachés complètement pendant leur gestation. Le gynécologue Gabriel Nahayo explique que les cellules qui doivent se diviser tardent à le faire, contrairement à celles des jumeaux normaux. C'est une scission incomplète du disque embryonnaire. Ça veut dire que l'embryon, dans les premières phases de développement, se scinde en deux, en principe, pour constituer les vrais jumeaux. Lorsque cette scission est incomplète, on peut aboutir à la formation de jumeaux siamois. Une autre théorie parle d'une scission complète, mais qui est suivie par un accolement secondaire. Et enfin, il y a une troisième théorie qui parle d'un non-respect d'axes de développement embryonnaire, parce qu'il y a des axes de symétrie qui ne sont pas respectés, et on va se retrouver avec des enfants qui sont accolés. En cas de cette grossesse, des risques s'observent chez la mère, chez ses enfants. Je dirais que la conséquence majeure se trouve être pour les bébés eux-mêmes, parce que les chances de survie sont minimes. Minimes pourquoi ? Parce que vous avez une mortalité intra-utérine qui est très élevée, vous avez des accouchements qui se font souvent au cours de la prématurité, ça veut dire que les enfants n'ont pas encore atteint l'âge de survie à l'extérieur du corps maternel. Vous avez également les problèmes liés aux moindres possibilités d'intervention dues au type de jumeaux. L'autre conséquence majeure, c'est pour la maman. On a des problèmes qui sont similaires à ceux qu'on a pour les grossesses jumelaires. Vous avez un volume fœtal qui est plus élevé, un volume de liquide qui est plus élevé. La deuxième conséquence, c'est le fait qu'on doit absolument réaliser une césarienne pour faire naître ses enfants. L'opération chirurgicale pour séparer des siamois est possible, mais très complexe. Quelquefois, c'est possible. Ça dépend du mode d'accolement, ça dépend des organes en commun, ça dépend de la façon dont les bébés sont accolés. Et ceci me semble assez compréhensible. Lorsque vous avez, par exemple, des bébés qui sont réunis par la tête, même si les autres sont séparés, complètement séparés au niveau du corps, ça devient très difficile de diviser la tête en deux. Il en va de même lorsque vous avez un seul thorax, ou même lorsque vous avez un seul abdomen. La séparation est aisément compréhensible, même si elle est difficile. Lorsque vous avez des bébés qui sont réunis par une face, que ce soit une face ventrale ou une face dorsale. Il n'y a aucun moyen de prévention car les causes de ce phénomène ne sont pas connues et aucun facteur de risque n'est pas encore identifié. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikoubanyanga. Et bon après-midi à toutes et à tous.